Yeah. Majesté. Yeah, yeah. Le roi Hans. 96, Rico. Voici mon honneur. L'honneur d'une république. L'honneur d'un peuple. Reste tranquille. Hey, hey. Ouais. Ouais. Yeah. Bednuli soldaji mum real shit gonga dora dari tanande amin chopper brem le fiddi min ora ngare yimbe katil gonga sabu eden gulla en gandani mo gonduden holmo ko di den sabu en bo yibagde gandani to moli den lendi yida gonga nanne bamta tako basal halti ndi magu gatcha sakko tako president bandi ministre jo poker enen ngoni bamdi hakundi chemere docker khalis nana bonne kaydi magama ko reng reng reyna na bonne lamdo kardo ko beng beng jeunesse may mes sabro kak liberté sinin halko won hen di gak na jobbe la pas solaire de nokshot to foot ni bi kunus fofonti business fenande nana laya black zero happiness bi ko dum hande ha maya dangne waxti tama futi yeji tama republique nana sama militaire au pouvoir démocratie wonti mafia humal dina jene jeyi tangu ben jeyi crédit ku jaj nana ciolé debne gala tole perde kadi rock hagnaj gone au tension marche pacifique. Ma police met de pression, ne pour constitution, voilà mon point d'interrogation. Presse monotone, à Alani Kouvindi, min courane autonome, merme yita bindi, palais wata hotel, blade fofnate, sergent dirige colonel, teb ta mate. Wanchoy parti au pouvoir, mbade da conseiller, naneda hander hakmaï peuple saye, do avenir no garantie, état corrompi, étudiant opprimé, te do kak respect, leader mouvant engagé. Wanti suspect, lo jogo bernde Rajel, Bayan Fidel Castro, Gurna Bedo Muse, Hadanu on Castro, Berde Kevi Mete, Ani Oku Yipude, Lawol Gonga Erima, Ani Oku Tautude, Justice Evrede, Minamdi Henku Container, Lomi Chifter Teko Election, Wala Centenaire, Miwawa Deltad Sulabi Men Gona Gotum, Black Wure Heptine, Hahebe Freedom, Tribunal Ande Bi President, Wana Bamum, Maleja Poleja, The Tribunal, Wat Ewen Gurumum, Conforming Jidio Wailo, The Military Umbailo, Diplome Yoligo. Rim wada organisation prendre yo tigo giten o arabisation jen koy men laamu was wada segregation wada men passe yide bibbe leydi ndi den goya be gande rim ko min ko an ko oya kala mu chaid rahman no damu wake up giten koy men e printa arab mi jojje person denti hunde modjat tan an yaaji di son denti harne wada tan sur les pas populaire e jane laamu mabbe be gande tarne men ey sen jane mabbe kande ko do min jeya ala fof do min pay rim ko renda mi gona pal mi gona bey do so bone tawani hirnde koden kay hare en boyi e rade dental abene merni bane mo denda leydi directement no enemy republique islamique of mauritania. Yeah. Gle présidence, gouvernance, wopani commune, ko confiance et tolérance on jidin gonen comme in. Rimne heavy bla bla, cartel à la napore, sajan umuro koy bla bla, no one jom hore. Amin dom di freedom, take the justice sa, hode mi jamma andu harne wana khalis, generation amen fami, wala tai inal. Berne ne munyo, kon eteta, du mal, nena wana bingel mit, teme wana bingel wool, hunde pone wada limit, lady ndi ma wool, somebody white and white, min bada black and black, badon fight and fight, min chalte black and black, generation force tranquille, ma yet koy do gonga, sa gato berne heavy, kalto revi bomba, murtani bonani, kono koko bona, do dini surkude, sabu koko boyna, keben komen ko, taw ala maslaha ma yimbe kalde gonga na keba martaba hare ha gonga jite nje hento ala pose sinim ne finance maire ougrine maide c'est le cause 5 ans der galbe ndiago dude mal di grave dia diplomé na ngira comme esclave innocent de prison heg nan tan fuga ku pablo ke raison la men nan tan gudja jeunesse oublié pour lo jidi min dup ko wase weltade sabi gita men ne gudja ko yeyi hamin pam la mud ku terade amen international buri wonde gudja amen. Bede erim yidi soldaji di yon jipo Rasmi Gabiji wadi code pénal ne hippo Derni heavy bla bla ministère de l'intérieur Mauritanie à l'étranger nana way à l'extérieur. No maïnes élevage agriculture dommage à la santé ministère de la culture en hande amen goya pour la génération future. Peuple divisé fuck anarchie do sa wona bingel wul na ngirda ko manachi don heew chadele nawri ni sangarte wonde do diplome pro dum ko perte corruption wona hakunde police taxi man development ko koydol gardide so woni mitoman gle independence a joni minen amino goyto berte ala do gawel tari ko momin moyto nok shot wona foot tabrak zain wona banlieue taden jame hege hono gonta serieux dagi non ko mi gona yimbe ha buji amen jippo kabeden Kabina huda baby phone jipo leda amen to pitaka so to be tamin jolo berne bel tak wadi nyen fofo amen ero lamlo gardo fof wadi ko addori do ko gonga wara tanana da ni ha wendori kalde filmi berne hubu sum yi bibbe leede na kalko ke ala ko kewi jaltene nyidene belto force tranquille hore soute darno pour l'honneur justice wala ta inal et ses erreurs zero démocratie politique mon nebe daraj som gitane anarchie mi paday mon dernier virage min bine kalde gonga kalden kalde ten tenande yimbe tonga potal tongi ten liberté yimbe gayna esclavage ongi ten ko jidmi haldini heewi fenani ko do diñi soudak ni feññini wek no midi inspiration woni arme may comme alarme force tranquille bataillon rap prim comme escadron hey leddi da gonga non amtata ko je leedi sala potal yarata yeso force tranquille golle buri hala représentant Verjo, l'étoile croissant, fils de la rime dame du sang. Honneur, patente et justice. Force tranquille, Hamé Alpha. Mon honneur, l'honneur d'un peuple, l'honneur d'une nation. 96, records. Bonne bourrée, hala.